avant-dernier extrait de présentation pour ce nouvel effort de Beyond the Sticks donc qu'on reçoit sur les ondes de Radio Béton pendant l'émission Hellbanger. On va attaquer la dernière partie de l'émission, de l'interview, pardon, parce que l'émission nous reste encore pas mal de temps derrière. Donc sur ce troisième album, qu'est-ce que voilà, il a été composé, il a été mis en boîte, et maintenant là, à la date à laquelle on est aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes niveau promo, distribution, et parce qu'on peut s'amuser un peu à le dire, projet d'avenir à court et moins court terme. Alors aujourd'hui, maintenant, on se bat contre la censure Facebook pour notre clip qui montre une vignette avec un gros flingue. Alors ça plaît pas à Monsieur Zuckerberg, désolé pour lui. Mais voilà, on essaie de promouvoir déjà aussi le clip. On voudrait promouvoir la release party qui devrait se faire bientôt. Ouais, de toute façon, tu peux le dire, Arnaud. En fait, la release party, on attend juste le feu vert du bateau ivre, mais je pense pas que Franck m'en voudra de l'annoncer ici soir, parce qu'à un moment donné... Quoi, devant nos millions d'auditeurs? Ouais, bah oui, tout à fait. Ah là, comment il lâche le morceau. Mais la release party aura lieu, en fait, pile un mois à la place de l'originelle release party, donc ça devait être le 12 février, et ça va se passer le 12 mars, toujours au bateau ivre. Au passage, je tiens aussi à remercier toutes les personnes que j'ai pu avoir au téléphone en panique pour essayer de sauver tant bien que mal notre release party, parce qu'on se préparait au pire. Et on n'est peut-être pas à l'abri, hein, quand même, d'une énième vague. Enfin, bon, voilà, on sent bien, moi je le sens en tout cas, parce que je book aussi pas mal le groupe. Je sens que à l'étranger, en France, ça reste frileux. À l'étranger, ça reste frileux, hein, vraiment frileux, hein, sauf à l'est de l'Allemagne. Mais sinon, sinon première couronne française, c'est plutôt tendu. Bon. Mais sinon, on a une tournée qu'on va annoncer, je pense, d'ici une dizaine de jours. On a une bonne quinzaine de dates. Moi, j'attends plus rien en vrai, parce que j'ai fait 3 concerts en 2 ans. Donc, quand ça viendra. Bah, Moi, Emile, il me dit tu vas voir, on va faire des belles scènes, c'est pour ça que tu viens dans le groupe. Bah, je les attends. Ah, non, bah, le souci, c'est qu'on va de. Enfin, c'est comme tout le monde. En fait, on a beaucoup de dates qui sont annulées, des dates qui ont été soi-disant reportées. Et moi, ce que je vois avec un peu de recul, c'est que. Enfin, je le sais parce que je fais partie d'une association. On a tendance à plus y croire, quoi, à un moment donné. Et les forces s'amoindrissent, voire s'épuisent. Et il y a des dates qu'on a perdues, qu'on ne retrouvera, je pense, malheureusement jamais. Ça fait chier. Et bon, après, les plus optimistes disent « Non, mais t'inquiète pas, l'herbe repousse toujours après les cendres. » Phrase que je ne peux plus entendre. Oui, oui. Ouais. Bon, la réalité, c'est qu'on fait avec ce qu'il y a, qu'on fait au mieux, qu'on va continuer à se battre pour. Et en local, déjà aussi, hein, pour commencer. Et puis, adviendra ce qu'adviendra. Mais on a déjà la chance, je pense, par rapport à certains groupes, je dirais aussi underground que nous, d'avoir un bon paquet de dates à annoncer, mine de rien. Et d'autres... qui devrait être aussi ce qui devrait se confirmer, je pense, au cours de ces 2-3 prochains mois. Donc je pense pas qu'on soit les plus à plaindre, non. Mais en même temps on attendait beaucoup de cet album et on a aussi envie de le défendre réellement sur scène. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une belle promotion live de cet album qui est vraiment une réussite. Et du coup, à défaut de pouvoir le toper mano à mano en live, Comment et sous quel format on peut se le procurer, ce troisième album? Bah là, il y a encore les précommandes disponibles. Donc pour choper sa précommande, il suffit d'aller soit sur notre site beyondthesix.com, soit sur n'importe quel réseau social. Il y aura un lien, c'est épinglé sur Facebook, on ne peut pas passer à côté. Après, sinon, il y aura le Buck Mulligan, parce que je comprends que pour tous les tourangeaux, qu'on soit pas envie d'attendre la release party, ce que je peux comprendre, soit pas envie... tout simplement payer les frais de port, ce que je peux aussi comprendre. Dites-vous que vendredi la semaine prochaine, on sera, avant de revenir sur les ondes de béton, on sera au Buck avec Arnaud, et voilà, il y aura les vinyles de disponibles, et puis les CD disponibles, et même peut-être quelques t-shirts. Faut que j'en parle à grand Nico, désolé si tu m'écoutes, Nico, je t'en ai pas encore parlé. Je savais même pas que j'étais au Buck vendredi soir. Pendant ta gueule. Du coup, vous le sortez sous 2 étiquettes, oui. What the Fuck Record. Ouais. Pour le parti grosse galette et CD. vinyle et CD. C'est ça, sachant que vinyle c'est une coprone en fait. Hein. Il y a, enfin c'est pas, c'est derrière le vinyle, vous pouvez pas le savoir, mais c'est Riposte aussi qui très bien. Et vous faites vos grinds de black de base en sortant même des tapes. Ouais. Bah, en fait, Stigma, on l'avait déjà sorti en cassette. Ouais, je trouve que c'est une rencontre internet. Moi, j'aime bien les rencontres internet parce que tu me parlais de l'illustrateur tout à l'heure, c'est aussi une rencontre internet. Bah, en fait, c'est un label indonésien qui a bien kiffé notre précédent album. Et, tiens, c'est pas un taïwanais. Non. Ça pourrait. Et du coup, bah, la cassette est apparemment, enfin, était déjà tendance il y a 4 ans là-bas. Et puis, je vais tout simplement demander si ça le branchait. Et puis, bah oui, il est toujours partant pour le faire. Donc. Voilà, bon, on va le faire, quoi, tout simplement. Très bien. Une sortie prévue le 4 février. On va s'écouter un dernier extrait. Juste avant, on peut parler brièvement de l'artwork, justement, oui. Qui exit les semblants de couleurs qu'il y avait sur les précédentes sorties. Là, on est sur du noir et blanc et on est sur une illu. Alors, ça a toujours été très, très riche, vos visuels. Mais là, on change d'ambiance parce qu'exit les chimères ou les créatures. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rationnel. Hormis le Cerbère derrière. Hormis le Cerbère qui prédomine. T'en as chez toi, mais ça, je connais pas. Ouais, bah, c'est, enfin, disons que l'idée globale, c'était plutôt moi qui l'avais. Elle a plutôt parlé à Amo. Amo avait déjà réalisé la précédente pochette de Stigma. Et là, du coup, bah, on peut voir un ou une protagoniste, parce que j'aime bien jouer avec les genres. Mais ça, c'est depuis longtemps, en fait. Mais là, c'était pas du tout avant toute cette tendance-là. Et on voit un ou une protagoniste en fait, tenir en laisse plus ou moins une espèce de gros cerbère devant un immeuble délabré et une potentielle, je sais pas, lune apocalyptique, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, est-ce que dans l'esthétique, il y a à moitié une connotation Youscrew, justement, avec un personnage vraiment humain, ouais. Très loin de Stigma, où on oui. était plus sur une référence mythologique. Ouais. Et le côté. On est entre le dessin, vraiment, et l'ambiance un peu gravure. Donc voilà, c'est pour ça la pochette, moi je m'y suis surpris à deux ou trois fois avant de dire non, en fait, c'est vraiment réussi. D'abord, c'est ouais, bon, ok, c'est peut-être. Le premier coup d'œil, c'est ok, c'est une pochette alternative. Et après, c'est ok, non, c'est la pochette définitive. Et ok, il y a tous ces éléments-là dedans. Et ça en fait un objet encore visuel très intéressant. Bah, merci. Que vous merci. Sortez sur t-shirt. Oui, on va se quitter donc avec un tout dernier extrait. Tout à l'heure, je parlais de s'envoyer des fleurs et de s'envoyer du plomb. Bah, malheureusement, du plomb, j'en ai pas des caisses à envoyer parce que l'album, j'ai eu l'occasion effectivement de l'écouter en avant-première en intégralité. Dès la première écoute, c'était ok, c'est un très bon album. Je me suis dit, il m'en faudra quelques-unes de plus pour déterminer si c'est un excellent album ou pas. Je suis très critique de manière générale et je tenais vraiment à vous adresser toutes mes félicitations bien personnelles parce que pour moi, c'est un excellent album. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite vraiment d'avoir l'occasion de le défendre en live très prochainement et au maximum parce qu'il faut. Il faut le répandre et vous me sortirez pas de l'idée que pour moi il y a une énorme influence. Alors je pense que ça vient du son. Hein. Pour moi c'est musicalement très inspiré Get the Shot et la sonorité des 7 cordes alors que vous jouez sur 6 cordes. Coucou Despised Icon quoi, c'est génial. Donc ouais, je pense qu'il y a. Vous avez vraiment bénéficié d'un chapon excellent sur le son et ça contribue à la réussite de cet album à mon sens. Merci à toi. En tout cas. Voilà. Merci. Et donc on va se quitter avec un morceau que vous n'avez pas encore diffusé, qui est je pense un clin d'œil à la situation, hein, Escape 19. Je trouve très très bon. Je m'attendais pas. Il est c'est parce pareil. Que je gueule pas mal dessus, c'est ça. Ah bah c'est ça, ça joue. Ouais. Alors ouais, pareil, je le trouve assez sombre, il tire vers le bas et en même temps vraiment réussi ce titre. Et voilà, pour moi Escape 19, il est ça fait partie des morceaux phares de cet album. Ouais, c'est cool. Voilà. Ouais, bah, merci d'avoir fait le déplacement. Bonne merci continuation à vous. Et puis, belle sortie d'album. Et puis, on se retrouve le 12 mars au Bateau Ivre. L'affiche n'a pas changé. L'affiche n'a strictement non. pas changé. Bon, bah, ça, voilà, c'est vous cool. avez globalement les infos. On fait tomber le 12 février et on met le 12 mars à la place. C'est parti. On se quitte avec un quatrième extrait de Sentence, l'album de Beyond the Sticks qui sort donc ce vendredi 4 février. Le titre Escape 19. We'll be right back. Et voilà, on vient de se consacrer presque une heure d'émission entre le blabla et la musique à Beyond the Sticks avec la sortie de leur troisième album studio. On retourne sur la diff un peu plus traditionnelle avec un album de Brutal Slam Death qui nous vient de Taïwan, Perception of the Dark Ornaments, le nouvel effort studio de Fatuous Ramp. Pour le coup, ils vont être tout seuls puisqu'on repassera sur des doublettes juste après. I Can't Stomach Your Pain, extrait du nouvel album de Fatuous Ramp sorti chez Lacerated Enemy Records. Nouvelle doublette dans l'émission, 21h20 à la pendule de Radio Béton, avec d'autres vétérans après Saxon tout à l'heure, Tokyo Blade maintenant, une autre vieille formation de hard rock venue d'Angleterre. Fury, c'est le nom de leur nouvel effort studio. L'album est déjà disponible. Et en doublette avec Tokyo Blade, Ochiego, formation qui nous vient de Singapour, on est sur du... Strash Death, et ils sortent là leur cinquième effort studio, Jaljaljot. Je crois que j'ai rajouté des lettres. Jaljaljot, voilà, c'est mieux quand c'est dit correctement. On s'écouterait le titre The Scourge, et juste avant ça, Tokyo Blade avec le titre Life Leaves a Scar. Yeah. 21h bientôt 30 à la pendule de Radio Béton. Je vois l'ami Thibaut qui trépigne. On va faire appel à lui dans quelques minutes, le temps de s'écouter une première doublette de l'aspect français, parce que derrière il a un focus qu'il est chaud comme la braise à vous présenter. Et voilà, pour entamer l'aspect française, une doublette ouverte par Céleste, le groupe de Black Sludge français qui est tout fraîchement signé chez Nuclear Blast. Ils sortent là leur nouvel effort Assassin, 6e effort studio pour Céleste. Non, je ne te vois pas, tu es trop petit. Voilà, et puis à noter, voilà, un groupe français encore qui signe chez Nuclear Blast. Et dans la foulée, Oyo Slam Boys, le duo Slam Death, qui sort son très très bon second effort studio Chop Drill Kill. Céleste, on s'écoutera le titre de Tes yeux bleus perlés. Oyo Slam Boy, on s'écoutera le titre Chop. À noter que l'album est déjà dispo chez Pathologically Explicit Records. Et voilà, il est là, il est beau, il est chaud, il est plus impatient que jamais. On retrouve Thibaut pour le premier focus de l'émission de ce soir. Enfin, si on fait abstraction du focus de presque une heure consacré à Beyond the Sticks. Premier vrai focus de l'émission de ce soir. Ouais, et puis pour moi, pas n'importe quel focus pour le coup. Bah bonsoir à toutes et à tous. Ouais, je m'attaque à un morceau un peu particulier, même pour moi, parce que c'est un groupe qui me tient énormément à cœur. Pensée Nocturne, qui nous sort là leur 7e album. Un groupe formé en 2008. Comment classer leur musique ? C'est du black metal, de la vanguard. Certains poussent jusqu'à dire que c'est du néoclassique. Bon, je trouve ça un peu pompeux par rapport à ce que propose le groupe. Ça mélange... Vas-y, t'avais quelque chose à dire, non ? Pas du tout. Non, excuse-moi. Je te laisse la parole, là. Je peux entrer d'embrouille. Qu'est-ce qu'il y a ? On y retrouve de l'accordéon, du trombone, et puis plein d'autres choses qui sont assez dérangeantes. Vraiment au service... En termes de sonorité, ouais. Ouais. Hein, tu entends Totterfish, l'accordéon c'est dérangeant. Voilà. D'ailleurs, le nom de scène de l'accordéoniste est GG également. Voilà. Voilà. Hein. Donc, et ils se connaissent parce qu'ils se sont prêtés des accordéons. Voilà. Ouais. Ils tapent dans le même accordéon l'un et l'autre. Exactement. Un premier album en 2009, Vacuum, qui est une petite pépite de DSBM, qui est pas fondamentalement dans la branche de ce que propose le groupe. On va retrouver une ambiance qui est plus proche de Gris. Pour trouver une référence qui colle un peu. Derrière, pour moi, leur pépite, Grotesque, un album sorti en 2010. Ça a été une de mes portes d'entrée vers le black metal. Donc, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, voilà, oui, monsieur. C'est ça. Excellent album. On y trouve, moi, j'y trouve vraiment mon compte musicalement. C'est riche. C'est absurde musicalement. C'est grotesque, on pourrait même dire. Voilà, un album que j'adore, suivi d'un album que je n'ai jamais écouté. Ceci est de la musique, un album qui est sorti dans une distribution extrêmement limitée et ce que j'ai jamais pu écouter parce qu'il est disponible nulle part. Ouais, il est pas disponible sur les internets en fait. C'est ça. Sachez-le. Bah, internet et en CD, il a fait 50 exemplaires ou un truc comme ça. Vraiment un truc qui est une petite rareté. D'ailleurs, il y a un album troll sur internet que tu trouves sur YouTube qui est en fait un espèce de remix de Grotesque qui est débile et qui a été diffusé par le groupe. Suivi en 2013 de Nom d'une pipe, l'album qui me paraît pour moi le plus avant-gardiste de ce qu'ils ont proposé. C'est pas forcément celui que j'écoute le plus. Excellent album 2016, À boire et à manger. Et on arrive en 2019 avec Grand Guignol Orchestra. C'est peut-être pour moi mon petit mal-aimé. C'est celui que j'écoute pas... fondamentalement, même si là je l'ai réécouté pour la chronique et qu'il est quand même très bon. Le vilain petit connard du coup de la discographie. Voilà. Et donc on arrive en 2022 avec 12 Fanges, un album qui abandonne un petit peu le concept précédent parce que bah, le groupe tournait un petit peu de ce côté cirque, freak show. Ce côté... 19e siècle en France. Ouais, voilà, on reste quand même dans le 19e avec ce nouvel album, mais on retrouve. Enfin, 19e, non, on frôle le 20e plutôt sur ce nouvel album. Ouais, on est plus fin 19e là. Ouais. Et là, donc, on va. Comment décrire la France dans sa profondeur. Ouais, mais on va reprendre en fait les termes du groupe parce que, en fait, quand ils ont commencé à présenter ce qui allait suivre, ils quittaient ce côté un peu. Rural, semi-rural, pour entrer dans les bas-fonds de Paris, les zones non fréquentables, quoique, de cette fin de 19e, début 20e. Du coup, ouais, vraiment du Paris crasse. Ouais, complètement. Bon, on va revenir un peu plus après sur la profondeur de l'album. Donc, c'est bon, le groupe, en fait, c'est la tête pensante. Il y a une tête pensante dans le groupe, c'est Vaeron, qui est complètement compositeur de tout ce qui se passe et tout ça. Le vocaliste au passage. Vocaliste. Et multi-instrumentiste. Voilà. Parce qu'il en fait des caisses sur scène. Ouais, bah, on reviendra sur les Presta Live un peu plus tard, qui ont commencé qu'en 2017. Pour le coup, jusque-là, le groupe n'existait pas sur les planches. Ça valait le coup. Est-ce que tu as prévu un créneau line-up ou pas ? Non, sur le line-up. Bon, parce que pour le line-up, c'est. On parle de Fange, de Tréfonds. Le line-up de Pensée Nocturne est composé par beaucoup de mercenaires de la scène black metal francilienne, que des très très bons musiciens qu'on a pu croiser, notamment dans Moonreich. Et je pourrais vous faire la liste, mais je l'ai pas sous la main. Voilà, c'est que des icos qui sont passés par des formations. À différentes échelles emblématiques de la scène black francilienne. Ouais, bah ça gravite autour de Paris. Et donc, c'est une sortie Les Acteurs de l'Ombre, pour changer. C'est le... Mais c'est le septième. Oui, j'allais dire c'est le septième. Parce enfin, que sixième. Parce que c'est le groupe historique des Acteurs de c'est l'Ombre. C'est ça, c'est le sixième, la sixième sortie des Acteurs de l'Ombre, et le label a été initialement... Alors, je ne sais pas s'il a été formé pour la diffusion du premier album de Vacuum, mais en tout cas, ça a été le premier album qu'a diffusé Les Acteurs de l'Ombre, Vacuum, qui était voilà, la toute première chose de signer Les Acteurs de l'Ombre. Est-ce qu'on s'écoute un morceau maintenant? Ouais. Alors, ce soir, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Saignant et à point. C'est simplement mon morceau préféré. Bah, c'est vrai que c'est aussi celui qui revient. Alors, l'album dans son entièreté... j'exposerai tout à l'heure comment je l'ai abordé, cet album de Pensée Nocturne, et c'est le troisième morceau qu'ils ont mis à disposition en ligne, je crois. Non. Après Le Violoniste et j'ai un doute, mais peut-être c'est le deux ou troisième qu'ils ont mis en ligne, et enfin celui-là c'est carré plié, c'est parfait. Ouais. Et il y a une petite référence musicale à l'intérieur, saurez-vous la trouver? Exactement, allez c'est parti, Saignant et à point, Pensée Nocturne. Voilà, je viens de terminer de lester le corps. Tu vas savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids, normalement un homme moyen, cette victime-ci, c'est 3 fois son poids. We'll be right back. 21h50 à la pendule de Radio Béton. On attaque beaucoup de blabla ce soir, en même temps beaucoup de très très choses intéressantes, beaucoup bonnes à dire tout simplement. Et du coup on attaque la deuxième partie du focus consacré à Pensée Nocturne. Ouais, bah voilà. Donc est-ce que je sais pas si vous avez pu trouver la petite référence, parce que le morceau c'est plus qu'une référence, c'est carrément une réécriture d'un morceau de Céline Dion. De Céline Dion, tout à fait. Tout à fait. J'allais chercher un nom à la con d'un autre artiste, mais j'y étais pas. Donc ouais, petite référence ouvertement à Edith Piaf, à son morceau Padam. Que dire de ce groupe, c'est que je l'aime de ouf. C'est toujours aussi génial, toujours aussi gênant jusqu'au bout. Tout l'album, et comme tous les précédents, c'est ponctué de ces petits samples qui sont là pour rajouter du malaise par-dessus, des références à plein de choses de la culture populaire, et particulièrement là du début du siècle dernier, où t'as plein de petites choses qui se dispatchent. En termes de référence culture G, tu prends une leçon d'histoire à chaque album de Pensée Nocturne, c'est clair. Ouais, et puis les samples, j'en ai un qui m'a marqué, je sais même plus sur quel morceau, où tu as le sample de Maïté qui assomme une anguille, et ça rajoute un espèce d'aspect ultra horrible dans la scène qui est décrite et tout, parce que ponctué, tu sais pas de quoi ça parle. Ouais. Du coup, ça parle juste d'assommer quelque chose pour pas que ça souffre, et c'est ignoble. De toute façon, tout le concept est fait pour être cradin, quoi. C'est complètement ça. Et du coup, on en parlait, Pensée Nocturne, c'est vraiment un espèce de chaos organisé et structuré, parce que c'est ce qu'on se disait en off. Le chanteur, il est complètement en roue libre, mais en fait, il a un talent absolument incroyable. Enfin, on est entre la démence et le génie, hein. Bon, l'un va rarement sans l'autre, et tout est ultra maîtrisé et pour un rendu d'une qualité totale. Et là, c'est vrai qu'il y a eu encore un petit travail de fait au niveau du son. Parce qu'il y a la richesse des arrangements, et c'est vrai que passer à côté d'un sample, passer à côté d'une sonorité qui va renvoyer quelque chose de glacial, ce serait dommage. Et la prod globale est vraiment très très très très bonne, et rend vraiment hommage à l'ensemble des compos. Ouais, je t'avoue que l'album, je suis encore à me dire, est-ce qu'il n'a pas dépassé Grotesque pour moi, tellement je le trouve vraiment excellent. C'est toujours aussi, tu vois, c'est lancinant, c'est... T'as ce côté un peu valse malsaine, tu sais, ça danse, mais ça danse... Ça danse avec des lames de rasoir. Ouais, c'est presque ça, c'est une espèce de côté de déchéance aussi derrière qui apparaît. Puis la richesse des compos, il y en a partout. Et ce que tu disais sur le chanteur, une des scènes qui me paraît les plus incroyables, c'est ce moment où sur scène, la première fois où je l'ai vu arriver sur scène et prendre ce mégaphone et hurler dans le mégaphone... Oui. Et ça marchait, c'était hyper puissant, hyper pertinent de faire ça à ce moment-là précisément. Tu vois tout le génie qui est derrière cette espèce de chaos, quoi. Enfin, c'est ça, c'est vraiment tout est pensé pour que ça soit le plus chaotique et gênant possible. Alors moi personnellement, donc c'est toi Thibaut qui m'a initié à la musique de Pensée Nocturne, que j'avais toujours... En fait, je m'étais arrêté vraiment au premier album... Le DSBM de l'époque ne m'avait pas accroché plus que ça, et la suite de la discographie de Pensée Nocturne, je l'ai toujours abordé comme si j'écoutais du black metal. Grossière erreur, puisque l'ambiance, la volonté, le fond est black metal, mais c'est beaucoup plus que ça dans l'approche musicale. Et là, ce nouvel album, j'ai fait un travail personnel sur la manière dont je voulais l'appréhender, et je me suis mis à l'écouter comme si c'était un album de Fantomas, le très très bon groupe de musique expérimentale venu des États-Unis. Tous les newbies actuellement diront « Ah, c'est comme Igor !» Non, ta gueule, rentre chez toi. Non, tu veux écouter quelque chose de décousu, tu écoutes Fantomas. Et ce nouveau Pensée Nocturne, je l'ai abordé comme ça, et c'est pour ça que j'ai immédiatement accroché avec ce titre particulièrement saignant et à point. Mais j'ai pas encore l'occasion de l'écouter en intégralité. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, les trois extraits qui ont été mis en ligne, je les ai poncés et ils sont excellents. Ouais. Chacun à sa manière. J'ai rien à dire sur l'album, hein, personnellement, c'est juste la claque attendue et le retour, surtout cette espèce de revers en mode l'album précédent, c'est celui que j'ai le moins aimé actuellement, et là je reviens avec un album qui arrive à dépasser mon album préféré du groupe, ou au moins arriver à son niveau. Je n'arrive pas encore à me décider là-dessus. Mais ouais, non, incroyable. Le temps et les écoutes nous le diront. Tout à fait. C'est fini ? Ouais, c'est bon pour moi. Donc on a l'occasion finalement, parce qu'on est, très très très bon niveau organisation nous-mêmes et respect des timings, l'occasion de s'écouter un autre titre, et pour le coup c'est le titre de clôture de l'album. Quoi ? Mais j'ai oublié le nom. Petite frappe. Niol, Torniol et Roubignol. Ouais, très très bon, très très bon morceau aussi. Pour une clôture, c'est ouais, parti, c'est pensée parfait. Nocturne. On se quitte. Et puis d'ailleurs sur Bandcamp, si vous voulez suivre toute la magie et la démence, les textes sont dispo hein, sur le Bandcamp des Acteurs de l'Ombre. gueule.